الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on continue بإذن الله تعالى en essayant, demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va essayer de terminer ce récit concernant la calomnie qui a été faite à l'encontre de notre mère Aïcha radiallahu anha. Et donc la dernière fois, on avait dit que cette calomnie s'est produite après la bataille de Bani al-Mustaliq, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait combattu justement la tribu des Bani Mustaliq et où il avait épousé Juwayriya radiallahu anha. Et sur le chemin du retour, eh bien Aïcha radiallahu anha avait perdu son collier et les hommes qui étaient chargés de lever son palanquin, al-Hawdaj en arabe, ne se sont pas rendus compte de son absence. Et donc il était resté seul à rechercher son collier et ils sont partis sans elle. Ensuite, il est revenu à l'endroit où est-ce qu'il devait la récupérer et elle n'a trouvé personne. Elle est restée un moment et puis Safwan radiallahu anhu est venu, l'a prise sur sa monture et l'a raccompagnée jusqu'à rejoindre les troupes. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Munafiq Ras al-Munafiqin, en voyant cela, a commencé à propager la calomnie au sujet de laquelle notre mère Aïcha radiallahu anha était totalement innocente. Et cette calomnie a commencé à se propager sans que notre mère Aïcha radiallahu anha ne s'en rende compte, alors qu'elle était malade à son retour de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut vent de ces rumeurs et il ne parlait plus à Aïcha radiallahu anha si ce n'est de prendre de ses nouvelles alors qu'elle était malade, en disant kayfataykum, comment allez-vous. Et Aïcha radiallahu anha sentait qu'il y avait quelque chose qui avait changé, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'avait plus les mêmes rapports avec elle. Mais elle ne se doutait aucunement que des gens mal intentionnés à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, avait propagé une chose énorme, une chose atroce et abominable à l'encontre de notre mère Aïcha radiallahu anha. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc consulté certains de ses compagnons comme Usama radiallahu anhu et comme Ali radiallahu anhu, et comme également son épouse, son autre épouse Zaynab, et on le verra plus tard. Et il les a consultés, il a consulté également une jeune servante, pour lui demander qu'est-ce qu'elle avait vu chez Aïcha radiallahu anha, est-ce qu'elle était capable de faire ces choses-là. Et le muhim, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les gens à la mosquée et il s'est mis sur le mimbar, sur la chaire, et il a dit رضي الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي Il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا يقصد بذلك صفوان ابن المعطل رضي الله عنه Donc il s'est mis sur le minbar, il a dit aux vous les gens, que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent au travers des membres de ma famille, en répandant sur eux de faux bruits. Par Allah, je ne connais que du bien de ma famille, en parlant de Aïcha radiallahu anha, et que du bien de l'homme dont il parle, Safwan ibn al-Mu'attal, qui n'est jamais rentré dans une de mes maisons sans que je ne sois avec lui. Et donc à ce moment-là, Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu, Sa'd ibn Mu'adh, qui était le chef des Ansar, s'est levé, faqala ana ya Rasulallah, a'dhuruka fa in kana min al-Aws darabtu 'unuqah. Donc Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aws, il s'est levé, il a dit, si cette personne qui parle et qui répond le faux sur ta famille fait partie des Aws, yani de ma tribu, je lui trancherai certainement la tête. Sa'd ibn Mu'adh, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ana alladhi sa'adhuruk in kana hadha ar-rajul alladhi qad balagha adahu ila ahli baytik wa huwa min qabilati min al-aws sanadribu 'unuqah. S'il fait partie de ma tribu, on lui tranchera certainement la gorge. Ensuite il dit, wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amartana fa'alna amrak. Mais par contre, s'il fait partie de la tribu de nos frères Al-Khazraj, qui était l'autre tribu arabe de Médine, eh bien, ordonne-nous ce que tu veux, on appliquera. Ordonne-nous ce que tu veux, on appliquera. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَامَ رَجُلْ وَهُوَ سَعْدَ بْنُ عُبَادَ. Et à ce moment-là, le chef des Khazraj, il s'est levé. Il s'est levé, et qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, on l'a vu la dernière fois. Il s'est levé après avoir entendu les paroles de Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aws, il s'est levé, et comme elle le rapporte Aïcha radiallahu anha, il a été pris de fureur en entendant les paroles de Sa'd ibn Mu'adh. Comme a dit, أغضبته وحملته على أن يفعل هذا الفعل. Il a été pris de fureur, il a commis, il a fait une chose, et il s'en est suivi une altercation entre les deux hommes. فقال سعد بن عبادة الذي هو سيد الخزرج لسعد بن معاذ الذي هو سيد الأوس كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. سعد بن عبادة il dit à سعد بن معاذ, par Allah tu mens, tu ne le tueras pas et tu n'auras pas la capacité de le faire, tu n'auras pas la capacité de le faire. Et ça, comme on l'a dit la dernière fois, ça s'est passé dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam, devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre deux grands éminents compagnons qui ont été promis au paradis. بعدهم قال لأن سعد بن معاذ لما قال وإن كان من إخوان الخزرج أو من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. Donc certains savants, ils disent qu'il s'est énervé parce que Sa'd ibn Mu'adh, il a dit, s'il fait partie de la tribu de nos frères le Khazraj, ordonne-nous ce que tu veux, on l'appliquera. Et donc on avait dit que certains savants ont dit que Sa'd ibn Ubada, il a été pris de fureur par cette parole parce que Sa'd ibn Mu'adh, eh bien, se substituait à son autorité et à son pouvoir. Et donc c'est pour cette raison qu'il a été pris de fureur. C'est pour cette raison qu'il a été pris de fureur. Et pourtant, ce sont deux illustres compagnons, radiallahu anhum, qui ont été promis, comme on a dit, au paradis de leur vivant. Mais comme vous savez, c'est des êtres humains et ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Et ça, ça fait partie de la croyance de Al-Sunna. Ça fait partie de la croyance de Al-Sunna. Al-Kamal lillah azza wa jal. العزمة للرسول صلى الله عليه وسلم والكمال لله عز وجل. Celui qui est à l'abri de l'erreur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant au reste, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Et la preuve, c'est que ce sont deux compagnons qui ont été promis au paradis. فقام صحابي ثالث وهو أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ ماذا قال أسيد بن حضير؟ Ensuite, un troisième compagnon s'est levé, hein, qui s'appelle أسيد بن حضير. Il s'est levé et il a dit à Sa'd ibn Ubada, le chef des Khazraj, il lui a dit: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. Il s'est levé, il lui a dit: par Allah, tu mens. On le tuera certainement, avec ton accord ou sans ton accord. Hein? Et tu es certes un hypocrite, il dit ça. Tu es un hypocrite et tu débats au sujet des hypocrites. Et c'est pour cette raison que Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah, comme on a dit la dernière fois également, ces trois-là, Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'adh, Usayd ibn Hudayr, hein, ils font partie des premiers, hein, des premiers parmi les meilleurs. Et cette parole qui a été dite, ou ces paroles qui ont été dites par Usayd à Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma, hein, tu es un hypocrite et tu débats au sujet des hypocrites, alors que Sa'd ibn Ubada, c'est un ami d'Allah azza wa jal. Il fait partie des gens du paradis. Et l'autre également, c'est un ami d'Allah jalla wa ala. Il fait partie des gens du paradis. Ça prouve que la personne, elle peut parler, elle peut dire des paroles, hein, et interpréter certaines choses, hein, sans que, eh bien, la personne ait bon ou sans qu'elle ait raison. Et il se peut qu'elle rende mécréant une personne par interprétation, alors qu'aucun des deux, en réalité, ne l'est, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après cela ? فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. Après cela, s'en est suivi une grosse altercation devant le prophète عليه الصلاة والسلام à la mosquée. La tribu des Khazraj et la tribu des Aous ont commencé à s'invectiver, hein, ont commencé, comme on dit dans le jargon, à s'embrouiller, et ils ont failli s'entretuer. Radiallahu anhuma, tharu wa tanaharu, ils se sont levés. Wa kada an yahsula baynahum ma yahsul. Et il a failli arriver le pire entre eux. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadda'ahum wa sakkatahum wa khafadahum hatta sakatu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dû ramener le calme parmi eux jusqu'à ce qu'ils se soient calmés et apaisés. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها حتى هم أن يقتتلوا. C'est pour cette raison que Aïcha رضي الله عنها dit ils ont failli s'entretuer. Yani c'était quelque chose de comme on dit chaud. C'était tendu. فبكت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك. Et après cela, Aïcha رضي الله عنها, elle a pleuré. وظلت تبكي لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم. Donc elle a pleuré après cette altercation et ses larmes n'ont cessé de couler et ne trouvait pas le sommeil. وهكذا الليلة المقبلة بقيت تبكي ولا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم. Hein? Car en réalité, il ne suffit pas également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelques autres personnes soient convaincus de l'innocence de Aïcha radhiyallahu anha. Hein? Il fallait une preuve claire et explicite qu'il l'innocente. Et celle-ci, cette preuve, elle tardait à se manifester. فقالت عائشة رضي الله عنها وأبوي يظنان أن البكاء فارق كبدي. Qu'elle disait عائشة رضي الله عنها, tellement elle pleurait, ses parents pensaient que, eh bien, les pleurs allaient fendre son foie. فبينما هي جالسة دخلت عليها امرأة من الأنصار. Alors qu'elle était assise, hein, eh bien, une femme parmi l'Ansar est rentrée la voir, est venue la voir pour la réconforter. فجلست تبكي بجانب عائشة رضي الله عنها. Et elle s'est assise à côté d'Aïcha et elle a commencé à pleurer à côté d'Aïcha رضي الله عنها. عائشة تبكي وتلك تبكي. Donc Aïcha pleurait et cette femme parmi l'Ansar qui était venue pourtant pour la réconforter a commencé également à pleurer avec elle. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré Et il s'est assis près de Aïcha radiallahu anha. À côté de cette femme, Aïcha radiallahu anha. Hein? Et Aïcha radiallahu anha, elle dit quoi? Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était plus assis auprès de moi depuis le moment où est-ce que la calomnie a commencé à se propager. وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. Il est resté un mois sans qu'aucune révélation ne lui soit faite. Hein? Sans qu'aucune révélation ne soit faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant un mois. لَبِثَ شَهْرًا كَامِلًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ وَلَا يَأْتِيهِ الْوَحِي وَلَا يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ فِي شَأْنِ عَائِشَ وَلَا فِي شَأْنِ مَاذَا مَا حَصَلَ. Rien ne lui a été transmis de la révélation concernant l'affaire de Aïcha, la calomnie, ou tout ce qui s'y rapporte. Rien de tout ça pendant un mois complet. فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَلَسْ وَتَشَهَّدْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ قَالَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis près d'elle sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit amma ba'd, qu'il a fait tashahud shahadu an la ilaha illallah. Ensuite il lui a dit O Aïcha, ya Aïcha, innahu balagani anki kada wa kada fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allahu jalla wa ala wa in kunti alamti بالذنب فاستغفر الله وتوب إليه. Il lui a dit يا عائشة, il m'est parvenu telle ou telle chose à ton sujet, يعني la calomnie. Si tu es innocente, Allah Azza wa Jal te justifiera. Et si tu as commis quelques fautes, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et reviens à lui. يعني إن حصل منك أن فعلت ذنبا وليس هذا من عادة عائشة رضي الله عنها. يعني il lui dit si tu as commis un péché, et ça ce n'est pas des habitudes d'Aïcha رضي الله عنها, commettre des péchés et encore moins de faire la turpitude dont elle a été accusée, mais au cas où eh bien tu as commis cette chose là implore le pardon d'Allah عز وجل et repens-toi Allah Jalla wa Ala. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اَعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit si la personne reconnaît, si le serviteur reconnaît son tort, sa faute, ensuite il se repent, Allah Azza wa Jal accepte son repentir. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي. Ensuite elle dit quand le prophète صلى الله عليه وسلم a fini de dire ses paroles, mes larmes se sont arrêtées. دم عائشة يعني للام دعاء عائشة رضي الله عنها ما معنى قلص دم دم يعني دمعها كيس كيس veut dire قلص en arabe دمعها يعني c'est là c'est à dire qu'elles se sont arrêtées, elle a arrêté de pleurer à ce moment là elle a arrêté de pleurer et les larmes ont cessé de couler sur ses joues رضي الله عنها ولا تبكي من استعظام الأمر. Elle a arrêté de pleurer à cause de la gravité de ce sujet qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wara'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yukhatibuha. Elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler avec elle alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé avec elle. Wa yaqulu laha in hasala dhalika fatubi. Et il lui dit si tu as commis cette turpitude, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunti bari'atan ستنزل براءتك سيبرئك الله عز وجل. Et si par contre eh bien tu es innocente, eh bien sache qu'Allah عز وجل te justifiera, t'innocentera, Allah subhanahu wa ta'ala révélera ton innocence. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté de pleurer. حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle a dit, je n'ai plus ressenti aucune larme à ce moment-là. Ensuite, elle s'adresse à son père, Abu Bakr, radiallahu anhu. Elle lui a dit, réponds à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour moi. Réponds pour moi. Donne-lui une réponse à ce qu'il vient de dire. فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Alors son père, il lui a dit, je ne sais quoi dire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors elle a dit à sa mère, elle s'est tournée vers sa mère et lui adressa يعني la même demande, elle lui a dit, réponds au prophète pour moi, sallallahu alayhi wa sallam. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle lui a dit, je ne sais pas quoi dire, hein? Je ne sais pas quoi dire au prophète صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا, hein? Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, donc j'ai dit alors que j'étais une jeune fille et je ne lisais pas beaucoup de Coran, hein? Elle lui a dit, إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle leur a dit, je sais pertinemment que vous avez entendu ce que les gens disent. Cela est entré dans vos âmes. Hein? Cela est entré dans vos âmes. وصدقتم به. Et vous y croyez. Vous croyez vraiment que j'ai fait cette turpitude. Hein? فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي أَوْ لَصَدَّقْتُمُونِي. Ensuite elle leur a dit, mais si je vous dis que je suis innocente, vous ne me croiriez pas. Mais si j'avouais que j'ai commis ce dont Allah Azza wa Jal sait, hein, que je suis innocente, vous me croiriez. Alors elle leur a dit, فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفْ. Alors elle leur a dit, je vous dirai donc ce qu'a dit le père de Youssouf, hein, à ses enfants. فَقَالَ يَعْنِي تَعْنِي قَوْلِ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Youssouf, Yaqub, qu'est-ce qu'il a dit à Youssouf, aux enfants, à ses enfants, quand ils ont laissé Youssouf, hein, dans le puits? Il leur a dit, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, il ne me reste plus qu'à faire preuve d'une belle patience. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Elle leur a dit ça. Alors qu'elle disait elle-même, وَلَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ, alors que je ne lisais pas beaucoup de Coran. Et elle leur a dit ça, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Hein? Faire preuve d'une belle patience, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. ثم تحولت واضطجعت. Ensuite elle raconte elle-même. Ensuite après cela, eh bien, je me suis tourné et allongé sur mon lit. والله يعلم أني حينئذ بريئة. Et elle dit, Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement que je suis innocente. Que je suis innocente. وأن الله مبرئ ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله عز وجل منزل في شأني وحيا يتلى لشأني ثم قالت لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je savais pertinemment que j'étais innocente et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait m'innocenter, hein? Mais elle ne se serait jamais imaginé qu'Allah Azza wa Jal allait révéler une révélation du Coran qui parle de Aïcha. Pourquoi? Parce que elle pensait même pas mériter qu'Allah subhanahu wa ta'ala la mentionne et parle d'elle. C'est-à-dire qu'elle voyait, hein, son âme comme, yani, basse, vile. Hein? Elle pensait qu'elle n'était pas digne qu'Allah Azza wa Jal fasse une révélation pour elle. Mais elle savait qu'elle allait être innocentée. ما كانت تتوقع, elle ne s'imaginait même pas. ولا تظن وهذا لتواضعها, elle ne pensait même pas. Pourquoi? Parce qu'elle était modeste, رضي الله عنها. هي الصديقة, صديقة الأمة وهي أم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'était la véridique de cette communauté. Et c'est la mère des croyants et c'était la bien-aimée du prophète صلى الله عليه وسلم. وتعلم أنها بريئة مظلومة وأن قاضي فيها ظالمون. Et elle savait parfaitement qu'elle était innocente. Elle savait parfaitement qu'elle avait subi une injustice. Et ceux qui l'avaient accusée étaient eux les accusateurs, étaient les injustes. Et qu'ils avaient menti sur elle. Et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, Zalim, Muftar. Hein, c'est injuste, cet accusateur, ce calomniateur. حصل منه ما حصل وقد بلغ أذاه إلى أبويها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a propagé cette calomnie Et cette calomnie a causé du tort aux parents de Aïcha radiallahu anha et également au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ma'a dhalik tahtaqiru nafsaha. Et avec cela, elle diminue de sa valeur. Elle pensait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait jamais révéler quoi que ce soit à son sujet. Juste, elle allait l'innocenter, mais pas. Elle pensait pas que c'était du Coran. Qu'Allah azza wa jalla allait révéler du Coran. تصغر من شأنها وتقول لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دي j'espérais seulement que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم allait voir en rêve يعني une chose qui allait m'innocenter فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prolongé sa visite. Il a prolongé sa visite et personne encore n'était sorti de la maison. C'est-à-dire ses parents, ils étaient encore là et cette femme qui était avec elle était encore là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ses paroles et qu'elle se soit tournée et qu'elle ait dit فَصَبْرٌ جَمِيلٌ sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait été pris par la lourdeur de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était révélé de plusieurs sortes. Soit en rêve, soit Jibril alayhi salam lui insufflait la révélation dans le cœur, soit Jibril alayhi salam venait sous l'apparence d'un homme, comme par exemple dans le hadith de Jibril, qui est rapporté par Omar radiallahu anhu, ou sinon il venait souvent sous l'apparence d'un compagnon qui s'appelait Dihya al-Kalbi radiallahu anhu, ou sinon, eh bien, c'était juste un tintement, pareil à une cloche. Et ça, c'était la révélation la plus pénible qui était faite au prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il était pris d'une sorte de convulsion, il était dans un état second, et des gouttes de sueur, pareil à des perles, commençaient à tomber de son front alors qu'il faisait extrêmement froid. En plein hiver, il était pris par des convulsions et des gouttes de sueur, pareil, de forme de perle, tellement elles étaient grosses, elles tombaient de son front, il était dans un état second. Et ça, c'était la révélation la plus pénible qui arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par cette révélation qu'il a été pris à ce moment-là. Elle raconte, elle dit ما كان يأخذه من البرحة, de la lourdeur. C'est-à-dire que c'était difficile. Quand cette révélation, cette sorte de révélation lui arrivait, eh bien, c'est très très difficile pour le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que les paroles d'Allah azza wa jalla sont lourdes de sens. Les paroles d'Allah jalla wa ala, elles sont lourdes de sens. Ensuite, elle dit hatta innahu la yatahaddaru minhu min al-'araq mithlu al-jumam, يعني مثل حباب اللؤلؤ في الصفا والحسن. وهو العرق عرق النبي صلى الله عليه وسلم à tel point et bien que des grosses gouttes de sueur pareilles à des perles sortaient de son front coulaient sur son front عليه الصلاة والسلام dans une journée qui était froide en plein hiver. Il était tellement pris par cette révélation et bien que des grosses gouttes de sueur tombait de son front. عليه الصلاة والسلام يتحدر منه العرق من ثقل القول الذي أنزل عليه. فلما كما قالت عائشة رضي الله عنها فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كشف ما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيل ما كان به عليه الصلاة والسلام وهو يضحك. Ensuite, après que la révélation se soit terminée à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à lui, son état normal, et il a souri, il a ri عليه الصلاة والسلام. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال, et la première parole qu'il a dite à ce moment-là, il a dit يا عائشة أما الله جل وعلا فقد برأك. Il lui a dit, quant à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, sache qu'il t'a innocenté. Sache qu'il t'a innocenté. فقالت لي أمي قومي إليه تقول لعائشة رضي الله عنها قومي إليه يعني قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم donc la mère de عائشة رضي الله عنها était là elle lui a dit lève-toi va vers le prophète صلى الله عليه وسلم remercie-le hein fais ses louanges hein embrasse-le fais ceci fais cela فقلت والله لا أقوم إليه donc عائشة رضي الله عنها était une jeune fille elle a dit par Allah je ne me lèverai pas hein فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. Elle a dit, je ne remercierai qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne me lèverai pas vers lui et je ne ferai que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. فأنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني 10 آيات في سورة النور نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé les 10 versets hein, de Surat Nour dans la deuxième page de Surat Nour. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Et les versets qui suivent jusqu'à la fin de la page. Hein, jusqu'à la fin de la page. Allah Azza wa Jalla a révélé ces 10 versets pour innocenter Aisha radiallahu anha. لهذا قال العلماء عندما قالت أم رومان لعائشة رضي الله عنها قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. C'est pour cette raison que les savants ils ont dit quand أم رومان qui était la mère de Aisha رضي الله عنها eh bien elle lui a dit lève-toi voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam remercie-le elle lui a dit je ne remercierai je ne me lèverai pas vers lui hein? Je ne me lèverai pas à lui et j'irai voir et je remercierai je louerai seulement Allah subhanahu wa ta'ala car c'est lui seul qui a révélé mon innocentement et on voit celui qui médite yani sur cette parole de Aisha radiallahu anha hein? Celui qui médite sur cette parole elle jure par Allah azza wa jal qu'elle ne se lèvera pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle remerciera uniquement Allah jalla wa ala, celui qui médite sur ses paroles, il reconnaîtra la force de la foi de Aisha radhiyallahu anha, malgré que c'était une jeune femme, qui ne lisait pas beaucoup de Coran, mais le mérite qu'elle a de dire ses paroles devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Et de là on reconnaît également, hein, et bien que elle reconnaît pardon, également que le bienfait vient d'Allah seul. On voit que sa force de caractère et on voit sa personnalité la personnalité que cette femme radiyallahu anha avait et la puissance de sa foi radiyallahu anha et elle a prouvé à son bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam en réalité tout l'amour qu'elle lui vouait hein, en prenant cette position et cette posture en remerciant uniquement Allah azza wa jal et en ne se levant pas pour le prophète alayhi salatu wassalam et en vérité ça n'a fait que rajouter hein, de l'amour hein, dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Aisha radiallahu anha. فالشاهد أن هذه الآيات تبرئ عائشة رضي الله عنها فكانت آيات تتلى إلى يوم القيامة تتلى في المحاريب برأها الله جل وعلا. Donc ces versets sont venus pour innocenter Aisha radiallahu anha. Et c'est des versets qu'on récite. On récitera jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Et ils sont là, ces versets, pour innocenter notre mère Aïcha radiallahu anha, de ceux dont quoi, de ceux yani, dont elle a été accusée par les gens de l'hypocrisie. Hein, Allah Azza wa Jal a révélé ces versets hein, et pour la justifier et pour l'innocenter radiallahu anha, hein, une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets. Allah subhanahu wa ta'ala parle de Aïcha radiallahu anha. Hein, dans des versets que les musulmans dans leur prière eh bien, récitent et réciteront jusqu'au jour de la résurrection. فَبَعْدَ ذَلِكُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. Après cela, le père de Aisha radiallahu anha, Abu Bakr al-Siddiq, كَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِصْطَحِ. Abu Bakr al-Siddiq, il donnait un salaire à Mistah. Et on avait dit que Mistah était un de ceux qui propager cette calomnie, ces accusations à l'encontre de Aisha. On avait dit que Mistah, radiallahu anhu, c'était qui? C'était une personne qui avait combattu à la bataille de Badr. Mustah, et c'était un des proches. Hein? Il faisait partie de la famille de Abu Bakr. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, il lui donnait un salaire parce qu'il était pauvre. Mustah était pauvre, radiallahu anhu, et Abu Bakr, il lui donnait un salaire. فَمَاذَا قَالَ Abu Bakr. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? Parce qu'il savait que Mustah propageait cette calomnie. قَالَ وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنها. Il a dit par Allah, à partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus jamais rien, yani comme argent. Hein? Par rapport à ce qu'il a dit sur Aïcha, sur sa fille. Hein? فأنزل الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite révélé les versets suivants, ce qu'il dit: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى il a révélé des versets à ce sujet. Il a dit que les détenteurs de richesses, في صلاة النور aussi, que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous, en parlant d'Abu Bakr, hein, ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas ou n'aimeriez-vous pas qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne? Et certes, Allah Azza wa Jal est pardonneur et miséricordieux. Donc de là, Abu Bakr radiallahu anhu, il a redonné le salaire à Mustah. Hein? Il a continué, quand il a entendu ces versets, directement il s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il a continué à dépenser pour Mustah radiallahu anhu. وقال لا انزعها منه ابدا. Ensuite il a dit par Allah, eh bien je ne lui couperai jamais son salaire après cela, je ne lui priverai pas de son salaire après ان الله عز وجل révélé ces versets. عائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان سال زينب. Et je vous avais dit que le prophète صلى الله عليه وسلم également il avait questionné Usama, Ali la servante et Zainab son épouse, Zainab bint Jahsh, qu'Allah عز وجل a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée avec son fils adoptif Zayd, et ensuite l'a divorcé, et Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur surat al-Ahzab de se marier avec elle sans tuteur. Hein? Sans tuteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a marié au prophète alayhi wa sallam, Zaynab bin Jahsh. Et il l'a demandé conseil, comme il a demandé conseil à Ali, comme il a demandé conseil à Usama, comme il a demandé également à la servante, hein, il a demandé à son épouse Zainab, cette épouse Zainab bin Jahsh radiyallahu anha. J'ai anna Aisha radiyallahu anha qalat wa kana sa'al Zainab bin Jahsh. Aisha rapporte ces paroles, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a également demandé conseil à Zainab, la fille de Jahsh, hein, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a dit au sujet de Aisha? Il a demandé conseil au sujet de Aisha. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit رضي الله عنها? فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا خيرا. رضي الله عنها وارضاها. يعني زينب قالت هذه المقالة. زينب qui a dit cette parole. قالت احمي سمعي وبصري. Qu'est-ce que ça veut dire احمي سمعي وبصري? اي اصون سمعي وبصري من ان اقول سمعت ولم اسمع. يعني je préserve. Je respecte mes yeux et mes oreilles dans le sens que je les préserve. Hein? De dire j'ai entendu alors que je n'ai pas entendu, ou j'ai vu alors que je n'ai rien vu. Hein? Je me préserve de tout ça et de tomber dans cette calomnie. Walam ubsir yani wa absartu shay'an wa lam ubsir wallahi ma alimtu illa khayra. Ensuite elle dit par Allah je ne connais d'elle que du bien. Elle parle de Aisha radhiyallahu anha qui était sa concubine, pourtant il pouvait y avoir conflit d'intérêts comme on dit. C'est deux femmes, il y a la jalousie entre les femmes. Il aurait pu dire, ah non, elle a fait ça, j'ai entendu, etc. Hein? Voilà, Akin, c'est les mères des croyances. Hein? Et elle ne parle qu'en toute honnêteté. Et pourtant, ensuite, Aïcha, elle nous dit, hein? Il était connu que Zaynab, radiallahu anha, c'était la concubine de Aïcha, radiallahu anha, qui lui faisait le plus de concurrence. Aïcha radiallahu anha, yani ma'rouf. Kalam Aïcha radiallahu anha, كانت يعني تضاهي زينب كانت تضاهي عائشة بجمالها ومكانتها. زينب se vantait auprès de عائشة de sa beauté et de sa place, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a marié avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Elle se vantait de cela devant Aïcha. Elle lui faisait le plus de concurrence parmi les autres épouses. C'était elle qui lui faisait le plus de concurrence. Mais malgré cela, Zaynab n'est pas tombée dans cette calomnie. Elle n'est pas tombée dans cette calomnie. Et elle a dit la vérité. Elle dit, je connais que du bien d'elle. Que du bien de Aïcha. Pourquoi il y avait de la concurrence entre elles Et les femmes, elles sont jalouses entre elles. Elles sont extrêmement jalouses, les femmes. Surtout, eh bien, si elles sont sous la tutelle d'un seul homme. Et bien, malgré cela, elle est restée véridique. Radiallahu anha, Zaynab, elle est restée véridique. Elle a dit, je ne connais que du bien de Aïcha, radiallahu anha. Je ne connais que du bien de Aïcha. Ma dhahabat tat'an wa taqul na'am qad yahsul minha. Elle n'est pas partie dire oui, il se peut qu'elle ait pu faire ça. Ou elle aurait pu dénigrer Aïcha, radiallahu anha. La abadan. Jamais, même pas une parole. Elle restait dans le cadre légiféré, elle craignait Allah Azza wa Jal. Se vantait auprès d'Aïcha de sa beauté, etc. Il n'y a pas de souci. Ça reste dans le cadre légiféré. Mais de la dénigrer et de la calomnier, abadan, jamais. Faqalat ya Rasulallah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu illa khayra. Je respecte mes yeux et mes oreilles de dire yani quelconque mal, alors que de dire j'ai vu alors que je n'ai pas vu, ou j'ai entendu alors que je n'ai pas entendu, et je ne connais d'elle que du bien. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني يعني تضاهيني بجمالها وبمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. Et comme on a dit, Zaynab, comme elle le rapporte à Aïcha رضي الله عنها, c'était l'épouse, la seule épouse qui était sur le même pied d'égalité avec moi de par sa beauté, de par son rang. وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعاصمها الله عز وجل. Et Allah سبحانه وتعالى l'a préservé. Bilwara l'a préservée à cause de sa réserve et à cause du fait qu'elle craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafiqat ukhtaha Hamna bint Jahsh tuhalibu laha fahalakat fi man halak. Et par contre, sa sœur Hamna, la sœur de Zaynab, c'est elle qui venait, c'est elle faisait partie de ceux qui avaient propagé la calomnie. Elle s'est mise alors à lui être hostile, à Zaynab. Puisque Zaynab, elle ne voulait pas entendre parler de ces histoires et parler sur Aïcha radhiyallahu anha. Donc Hamna, elle a commencé à être hostile à sa sœur Zaynab et elle est tombée avec les autres dans la calomnie ou l'iyadu billah. Na'am, hasala anna ba'd as-sadiqin min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qalu ma qala. Qalahu ahlu an-nifaq. Na'am, il ne faut pas s'étonner que certains véridiques parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ils ont propagé la calomnie des gens de l'hypocrisie. Wa huwa anna ma hasala fa kanat tahki wa yahkun ma yaquluhu ahlu an-nifaq. Yani comment ils propageaient? C'est-à-dire qu'ils disaient ce qu'ils avaient entendu des gens de l'hypocrisie, et ils propageaient, et ils disaient que Aïcha radhiyallahu anha a fait ceci avec sa foi, etc. Et ils propageaient. Parmi eux, Hamna et Mustah. Hamna, la sœur de Zaynab, l'épouse du prophète, alayhi salatu wa sallam, la belle-sœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, Mistah, proche parent de Aïcha, radiallahu anha, qui a assisté à la bataille de Badr. Wa kadhalika Hassan, ibn Thabit. Parmi eux également, un grand compagnon, Hassan, ibn Thabit, radiallahu anhuma. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué le jugement d'Allah azza wa jal sur eux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été fouettés pour cette calomnie? Est-ce qu'ils ont été fouettés de cette calomnie, pour cette calomnie? Puisque celui qui calomnie une femme d'adultère, eh bien, c'est des coups de fouet. C'est des coups de fouet. Yani, s'il ne ramène pas quatre témoins pour corroborer yani, ce qu'il dit, Allah Azza wa Jal, il a descendu que c'était des coups de fouet. Et est-ce que eux, ils ont été fouettés pour ça? La réponse est na'am. La réponse, na'am. Ils ont été fouettés. Les trois. Hamna ibn Jahsh, Hassan ibn Thabit, et également Mistah, radiyallahu anhuma, ou radiyallahu anhum. يجب علينا أن نعلم جميعا أن رأس النفاق والذي تولى كبره هذه الحادثة هو عبد الله بن أبي بن سلول. Faut savoir bien que celui qui s'est chargé de la plus grande calomnie, c'est qui? C'est عبد الله بن أبي, la tête des hypocrites. Hein? لهذا عائشة رضي الله عنها هي نفسها. Hein? قالت والذي تولى كبره منهم قالت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن أبي بن سلول. عائشة elle-même elle dit c'est qui? Le verset, quand il parle, celui qui s'est chargé de la plus grande part, elle dit elle-même, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salam. Elle le dit. إذن هو رأس النفاق وهو الذي تولى كبرى كبرى هذه المقالة الخبيثة. C'est lui qui s'est chargé de la plus grande part de cette calomnie et qui l'a propagée. ولكن بعض الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ليسوا على طريقة عبد الله هذا المنافق وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من شهد بدرا كمصطح وكذلك كانت معهم حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت. حصل منهم أنهم وقعوا في الإفك, يعني في نشر الإفك. Faut savoir que parmi les compagnons, il y a des compagnons qui sont tombés, et parmi eux ces trois qui sont Hassan ibn Thabit, Mistah et Hamna bin Jahsh, la sœur de Zaynab, l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام. Mais celui qui s'est chargé de la plus grande part de la calomnie, eh bien c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. فالشاهد أن الله عز وجل قد عذرهم بمعنى أنه قد أقيم عليهم الحد. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a excusés. De quelle manière? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a fait goûter la sentence, c'est-à-dire qu'ils ont goûté au fouet. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a absous de par cette cause-là. فالذي حصل منهم اجتهاد منهم. Ce qu'ils ont dit, eh bien c'était un effort de compréhension. Ils l'ont dit, ce n'était pas pour aller propager, pour faire du mal, non. C'est ce qu'ils ont compris, et ils se sont trompés, et ils en ont payé les conséquences. Et il n'y a aucun doute que ce qu'ils ont fait, c'est une erreur. Hein? وقد أنزل الله حكم القذف فحصل أنهم أقيم عليهم الحد. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la sentence de celui qui accuse une personne d'adultère, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué sur eux cette sentence qui était des coups de fouet. أقيم الحد على مصطح. مصطح a été fouetté. Hassan ibn Thabit a été fouetté. Et Hamna, pardon, a été fouetté, comme ceci rapporté dans certaines versions. Même si dans certaines versions il y a une faiblesse, mais les versions, elles vont toutes dans le même sens, donc elles se renforcent les unes aux autres, et on peut dire que, le hadith peut être jugé comme bon. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس وبين لهم ما حصل من أهل النفاق وأن عائشة رضي الله عنها بريئة وقرأ عليهم هذه الآيات التي تبرئ عائشة رضي الله عنها نزل على المنبر وأقام عليهم الحد. Donc il est rapporté dans le hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم il a prêché, il a parlé aux gens, il leur a expliqué ce qui s'est passé et que cette calomnie venait des gens de l'hypocrisie, des hypocrites, et que Aïcha radiallahu anha était innocente. Il leur a récité les versets qu'Allah azza wa jalla lui a révélés, qui innocente notre mère Aïcha radiallahu anha, et ensuite il est descendu du minbar et il a appliqué la sentence sur Hamna, sur Hassan ibn Thabit et sur Mistah, et ils ont goûté au fouet. Allah subhanahu wa ta'ala, de par là, il leur a pardonné et absous ce péché qui est la calomnie. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل فأمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة. C'est pour cette raison que عائشة رضي الله عنها elle rapporte, quand elle raconte cette histoire, elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il a expliqué que j'étais innocente, il est descendu du minbar et il a demandé à ce qu'on en amène deux hommes et une femme qui ont propagé cette calomnie, et ils ont été fouettés. Et ces deux hommes, c'était Mistah et Hassan, et cette femme, c'était Hamna, la sœur de Zaynab, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est rapporté dans certaines riwayats. Wa كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي فيقوم على الباب فيقول كيف تيكم حتى جاء يوما فقال أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك فقالت بحمد الله لا بحمدك. Il est rapporté également dans certaines versions que le prophète صلى الله عليه وسلم il venait voir Aïcha quand elle était malade et il lui disait comment allez-vous, et cette fois-ci il est venu et il lui a dit je t'annonce la bonne nouvelle ô Aïcha رضي الله عنها, ô Aïcha pardon, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ton innocentement, ou ton innocence, pardon. Elle lui a dit ceci par la grâce d'Allah azza wa jalla, ce n'est pas par ta grâce. Elle a dit ça au prophète alayhi salatu wa sallam. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَشْرَ آيَاتٍ ثُمَّ قَالَتْ فَحَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْطَحًا وَحَمْنَةَ وَحَسَّانًا. Ensuite, Allah azza wa jalla a révélé les 10 versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la sentence des coups de fouet sur Mistah, Hamna et Hassan. Lakin yajibu alayna an na'lam anna tariqata ha'ula'i thalatha laysat ka tariqati ahli an-nifaq. Mais il faut savoir que la propagation de la calomnie de ces trois personnes, elle n'a pas été comme la propagation de la calomnie des gens, des hypocrites. Na'am. إذا تأملنا في هذه القصة وفي سياقها وفي لحاقها أن هؤلاء الصحابة وكل واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ليس مرادا أولا بتولي كبر الإفك. Si on réfléchit, on médite sur la façon dont ils ont propagé, يعني cette calomnie, ces trois compagnons, Hamna, Hassan et Mistah, on verra que ce n'est pas la même, ce n'est pas le même chemin et la même manière que la fait, que يعني, qui a été propagé, qui c'est pas la même manière par laquelle ils l'ont propagé. يعني, ils n'ont pas fait la même chose que les hypocrites. Leur but ce n'était pas de se charger de la plus grande partie de la calomnie. الذي تولى كبر الإفك, celui qui s'est chargé de la plus grande partie, c'est qui? C'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, le leader des hypocrites. أما هؤلاء الصحابة ليس المراد أو ليس المراد بهذا ولكن كما ذكرت لكم قالوا بهذه المقالة أو المقولة فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم بهذا الحد فانتهت. Donc eux ils ont dit, ils ont cru que c'était vrai, ils n'ont pas voulu se charger d'une part ou de quelque chose où ils n'avaient rien en vérité contre Aïcha رضي الله عنها. Ils n'ont pas voulu dénigrer Aïcha par là, c'est ce qu'ils ont entendu. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a purifiés en les fouettant, en appliquant la sentence d'Allah azza wa jal sur eux. Wa hakadha ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hum laysu bima'soumin. Et comme on a dit, les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, ils ne sont pas à l'abri d'erreurs, ils ne sont pas préservés. Al-isma kama qulna lil-anbiya wal-kamal lillahi azza wa jal. Fa hadha yadullu ala Adami Usmatim. Donc ça prouve que même les compagnons, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Nous encore moins. Nous encore moins. Wa in hasala minhum al-ghalat wal khata tatahharu wa tabu wa raja'u fa zadat rif'atuhum 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Si même s'ils font des erreurs, et ils glissent, eh bien alhamdoulillah, ils se purifient, ils reviennent à Allah azza wa jall, ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala et leur degré ne s'en retrouvera que plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a fi ba'd ar-riwayat fi qissati aw fi qissatin 'inda at-Tabarani wa hiya mutawwala kadhalik ya'ni dhakarat qalat ba'da dhalik 'Aisha radhiyallahu 'anha faji'a bi Hassan wa Mistah wa Hamna fadribu darban waji'an wa hasala lahum an aqama 'alayhim an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam. Il est rapporté également dans at-Tabarani dans un long récit que Aïcha radhiyallahu anha elle rapporte, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hassan, Hamna et Mistah et il les a fouettés, des vrais coups de fouet, des bons coups de fouet, et il a appliqué la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont été absous par Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin baqiya shay wa huwa hal aqama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hadd 'ala 'Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maintenant il y a une chose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appliqué la sentence d'Allah azza wa jal sur Abdullah ibn Ubay Ibn Salul? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est lui qui s'est chargé de la plus grande partie de la calomnie. Hein? Est-ce qu'il a fait la même chose sur lui qu'il a fait sur Mustah, Hamna et Hassan ibn Thabit? En résumé, ce sujet, les savants, ils ont divergé dessus. Les savants, ils ont divergé sur ce sujet. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fauté Abdullah ibn Ubay ibn Salul ou non? La plupart des gens de science, yaquluna na'am, ils disent oui. Il a appliqué les coups de fouet sur lui. Wa annahu kama aqama ala haula yaqama kadhalika ala Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Comme il a fauté les trois, il a fauté Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Istadallu bi ba'd ar-riwayat 'inda at-Tabarani. Et ils prennent pour argument certaines versions qui sont rapportées par at-Tabarani rahimahullah. أنه قال فجيء به أي بعبد الله بن أبي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم حدين. Il est rapporté dans cette version que le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé de l'amener et il lui a frappé deux sentences. صلى الله عليه وسلم ثم بعث إلى حسان ومصطح وحمنة فضربوا. Ensuite il a demandé à ce qu'on appelle Hassan, Mustah et Hamna et il les a également fouettés. وجاء في بعض الروايات ايضا عند الطبراني il est rapporté dans d'autres versions par الطبراني également قال او جاء عند الحاكم في كتابه الاكليل donc il est rapporté également dans le Hakim dans son livre l'Ikhlil mais la chaîne de transmission elle n'est pas bonne il est écrit que Abdullah ibn Ubay ibn Salul a été فوتي ولكن الصحيح في هذه الروايات انها كلها ضعيفه لا تصح mais en réalité toutes ces versions elles ne sont pas authentiques et elles sont faibles ف كذلك ابن القيم رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول. ابن القيم par contre lui il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas appliqué les coups de fouet sur عبد الله بن أبي بن سلول. Pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas appliqué la sentence sur عبد الله بن أبي بن سلول. ابن القيم il explique cela dans Zad al-Ma'ad. Dans son livre Zad al-Ma'ad il explique, il dit أولا ذكر كلام أهل العلم في ذلك وما هو السبب. Dans son livre, il dit en premier lieu, il évoque les paroles des gens de science et il dit pourquoi, c'est quoi la cause, la raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fouetté Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Cet hypocrite. قيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة والخبيث أي عبد الله هذا ليس أهلا لذلك. Il est dit que déjà appliquer la sentence sur une personne, ça expie les péchés de la personne. Et ça l'absout de ses péchés. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul ne méritait pas cela. C'est un hypocrite. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait promis dans le Coran un châtiment douloureux dans l'au-delà. Donc, ceci ne lui aurait été d'aucune utilité. Et sa sentence et son jugement, ce sera dans l'au-delà. Donc ça, c'est la première des choses. ثانيا ثم قال وقيل بل كان يستوشي الحديث يجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق ما كان يتصدر أمام الناس. La deuxième des choses c'est en vérité qu'est-ce qu'il disait? Il ne disait pas ça ouvertement, la calomnie. Il n'accusait pas Aïcha ouvertement. En fait il soutirait. Il modelait d'une certaine manière la parole et il regroupait les paroles et il les propageait comme ça mais sans qu'on dise c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui a dit ceci. Jamais ça revenait à lui. Il faisait de telle sorte machiavélique une ruse que ses paroles jamais on disait que c'était Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui disait cette calomnie. Il soutirait le récit, ou il l'approuvait. Il disait, ah d'accord, ok. elle a fait ça. Et donc il grossissait la chose. Hein? Et les gens, ils ne disaient pas que c'était lui qui disait ça. Alors qu'en réalité, c'était de lui que ça venait. Hein? Et c'était lui qui s'en est chargé, qui s'est chargé de la plus grande part, comme le dit Allah Azza wa Jal. Hein? Donc les paroles, c'est comme si elles ne venaient pas de lui. C'est comme si elles ne venaient pas de lui. Et la troisième des causes, سبب الثالث قال ابن القيم قيل الحد لا يثبت إلا ببينة وإقرار. Et il dit le had, appliquer la sentence, hein, c'est quoi? Comment on applique la sentence? Avec une preuve ou des aveux? Avec une preuve ou des aveux? Les autres, ils ont avoué. Et il y a des gens qui ont témoigné peut-être contre eux de ce qu'ils ont dit. Hein? Et ils ont peut-être avoué. ولكن هذا المنافق لم يقر. Celui-là, cet hypocrite, il n'a pas avoué. Et comment il pourrait avouer? C'est un hypocrite. Hein? لم يقر بالقذف وما شهد وما يعني شهد عليه احد. Et personne n'a témoigné contre lui. Et il n'a pas avoué avoir dit quoi que ce soit. Pourquoi? Ils ont dit parce que, eh bien, la calomnie qu'il propageait, il l'a propagée, hein, parmi ses comparses, les hypocrites. Et aucun des hypocrites n'a témoigné contre lui. Aucun des hypocrites n'a témoigné contre lui. Voyez? Et quatrièmement, certains ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé et ne l'a pas fouetté, hein, n'a pas fouetté ce pervers Abdullah ibn Ubay qui s'est chargé de la plus grosse part de la calomnie pour un intérêt, pour un avantage. قالوا كما أنه قد ترك قتله من قبل أليس عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. Prophète صلى الله عليه وسلم avant cela il avait parlé de la mort, parce que Omar رضي الله عنه, comme vous le savez, il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم laisse-moi lui trancher la gorge à cet hypocrite. Prophète صلى الله عليه وسلم il l'a empêché, hein, il l'a empêché, il lui a dit à Omar, hein, دعه لا يتكلم الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. Hein? Laisse-le. Tu veux que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons? Donc il l'a épargné déjà. Et là il l'a épargné pour un intérêt. قالوا كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولم يقم عليه الحد لمصلحة. Ils ont dit les savants que le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas fouetté Abdullah ibn Ubay ibn Salul pour un intérêt. وهو تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام. C'était quoi? C'est pour attirer son peuple, hein? Pour pas les faire fuir, pour les attirer vers l'islam. هذه هي المصلحة. Ça c'était l'intérêt pour lequel les savants ont évoqué, pour lequel le prophète صلى الله عليه وسلم il a délaissé le fait de fouetter Abdullah ibn Ubay ibn Salul. كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يألف قومه وَأَلَّا يُنَفِّرَهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم voulait attirer son peuple. Parce qu'il était, c'était un chef, c'était un leader dans son peuple. Et il ne voulait pas faire fuir son peuple, hein, de l'islam. وَلَا سِيَمَا وَكَانَ هَذَا الْخَبِيثُ مُطَاعًا فِيهِ. Ce pervers était obéi par son peuple. Et c'était le leader, c'était un chef chez son peuple. Et donc pour ne pas faire la fitna, pour ne pas causer des troubles, il a délaissé. فعلى كل حال هذه الوجوه كلها التي ذكرها ابن القيم قالوا هي الأسباب. على كل حال ابن القيم tout ce qu'il a évoqué, les savants ont dit ça c'est les causes pour lesquelles, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué la sentence du fouet sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, hein, mais il a appliqué la sentence sur Mustah, sur Hassan, sur Hamna, hein, qui sont des croyants véridiques et qui ont avoué, et Allah Azza wa Jal les a purifiés et a expié leurs péchés, et il a délaissé, hein, cet hypocrite Abdullah ibn Ubay, hein, pour l'au-delà devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baqiyat hunaka mas'ala akhira fi qissati al-ifk. Et là il y a une chose avec laquelle on va terminer, hein, une position qu'ont pris certains compagnons. Ils ont pris une position grandiose lors de cet événement qui était la calomnie, le fait de calomnier de Khomer Aïcha radiallahu anha. هو ما حصل من موقف عظيم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Certains compagnons ont pris, eh bien, une position ferme lors de cette calomnie. فقد ذكروا أنه أبو أيوب الأنصاري. Ils ont évoqué, ils ont dit que c'était Abu Ayyub al-Ansari et son épouse qui ont pris cette position. فقال الإمام البخاري في صحيحه قال قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي فأذن لها وأرسل معها الغلام وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه علقها الإمام البخاري في كتابه أن رجلا من الأنصار قال هذه المقال. الإمام البخاري يرapporte dans son authentique que un homme il a dit cette parole. Il a dit quoi? لما سمع الخبر, quand il a entendu la calomnie qui a été faite à l'encontre de Aïcha رضي الله عنها et qu'il l'accusait, ils accusaient Aïcha رضي الله عنها d'adultère et de calomnie. Qu'est-ce qu'il a dit? قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Il a dit gloire à toi, nous ne devons pas en parler. C'est une énorme calomnie. Et il est rapporté que c'est Abu Ayyub al-Ansari رضي الله عنه qui a dit cette parole. هذا بهتان عظيم ولا شك أن هذا الموقف موقف عظيم. كون النبي صلى الله عليه وسلم أو كون يعني الخبر ينشر بين الناس فمنهم من يصدقه ومنهم من ينشره ومنهم من يقول هذه المقالة. On voit que ça c'est une position grandiose. Pourquoi? Parce que à l'époque et à ce moment-là, certains eh bien propageaient la calomnie. Certains approuvaient cette information et d'autres disaient gloire à toi, nous ne devons pas en parler, c'est une énorme calomnie. بهذا أبو أيوب الأنصاري جاءت له امرأته وهي أم أيوب. Il est rapporté que la femme de Abu Ayyub al-Ansari, qui est Umm Ayyub, elle est venue le voir. فقالت له يا أبا أيوب أما سمعت ما يتحدث الناس. Il a dit oh Abu Ayyub, as-tu entendu ce que les gens disent? يعني سوء عائشة رضي الله عنها. فحدثته بقول أهل الإثم. Elle lui a ramené ce que les gens disaient sur عائشة رضي الله عنها. Qu'elle avait fait ceci et cela avec Safwan. فماذا قال لها؟ Qu'est-ce qu'il lui a dit à Abu Ayyub al-Ansari? ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم. Nous ne devons pas en parler. Gloire à toi, ya Allah. Ceci est une énorme calomnie. هذا نزل في كتاب. Et ça, c'est un verset. Ça, c'est un verset. Allah Azza wa Jal, il ramène les paroles de Abu Ayyub al-Ansari. في سورة النور. لما قال هذه المقالة هذا الصحابي الجلي أبو أيوب الأنصاري. الله عز وجل يرapporte ces paroles dans le Coran. وقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Nous ne devons pas en parler. فالله عز وجل يرapporte, il dit ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الله عز وجل dit dans le Coran dans le verset في سورة النور dans le verset 12. Il dit, pourquoi lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, comme Abu Ayyub al-Ansari, sous-entendu, gloire à toi, c'est une énorme calomnie. Nous ne devons pas en parler, gloire à toi, c'est une énorme calomnie. Yani, prenez l'exemple de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda'a. Walihada fi ba'd al-riwayat inda ibn Ishaq, anna hadhi al-sahabiyya Ayyub. Et dans d'autres versions, comme le rapporte Ibn Ishaq, fi sira, cette femme compagnon qui était Umm Ayyub, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit à son mari, n'as-tu pas entendu ce que les gens disent sur Aïcha? Faqala bala. Il lui a dit, oui, j'ai entendu. Bien sûr que j'ai entendu. Wa dhalika al-kadhib. Mais ce n'est que du pur mensonge. Yaqulu laha bala. Il lui dit, bien sûr que j'ai entendu. Mais ce n'est que mensonge. Ensuite, il lui a dit à sa femme, a kunti ya Umm Ayyub fa'ila. Il lui a dit à son épouse, oh Umm Ayyub, est-ce que toi tu ferais la même chose, cette chose-là? Est-ce que tu ferais l'adultère toi? Il pose la question à sa femme. Elle lui a dit, la. Bien sûr que non, je ne ferai pas l'adultère. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, yani, ضعي نفسك مكان عائشة. Hein? Mets-toi à la place de Aïcha. Est-ce que toi tu ferais la même chose? Est-ce que tu ferais l'adultère? فقالت لا والله ما كنت لأفعله. Par Allah, je ne l'aurais pas fait. Hein? Je n'aurais pas fait l'adultère. فقال عائشة والله خير منك. Il lui a dit, par Allah, Aïcha est meilleure que toi. Hein? Il dit ça, ça va. Aïcha, par Allah, elle est meilleure que toi. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات لولا إذ سمعتموه قلت ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Ensuite Allah عز وجل a descendu ce verset. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Allez, conjecturer entre eux favorablement dans le sens, hein, les paroles de Abu Ayyub à sa fin. Est-ce que toi tu aurais fait ça? Elle lui a dit non. Il a dit par Allah, Aïcha est meilleure que toi. Hein? Par Allah, Aïcha est meilleure que toi. Elle est prioritaire à ne pas le faire. Hein? Elle est prioritaire à ne pas le faire. هذا موقف عظيم لهذا الصحابي الجليل. Et ça, c'est une position énorme de ce compagnon, radiallahu anhu, wa ardah, une position digne. Hein? Une position digne d'être mentionné ici, hein, sur ce sujet. Et d'évoquer ce compagnon radiallahu anhu qui a innocenté Aïcha radiallahu anha et qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans le Coran et il rapporte ses paroles. Donc ça c'était ce qui était rapporté fi hadhihi al-qissa. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa an ya'sima alsinatana min az-zuri wal buhtani wal khawdi fi a'radi an-nas. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.